salva bobuyon, li bobuyon lò. Bougon bobo, ki kite ou, la jwen yon lò, lè sa ou preske fou. Moun nan la jwen nan abrejou, pardon nan tristesse, la manifeste. Soulier, chile, mais c'est à temps.